baninga. C'est vrai que ça facilité. C'est vrai que Tomituni, pourquoi bango? Na yebi que destin et kiseni. Mais yope au kuki kolonga, au kuki koko maloko la bango. Bouge, cherche, frappe, on t'ouvrira. On se bat pas pour quelque chose qu'on a, on se bat pour quelque chose qu'on veut avoir. Tonto, koyo kakanate, yo moto singate, que zala libanda. La vie est fascinante pour ce qui veut pas comprendre, mais tu veux voir clair, cherche à comprendre. Mais la vie, on la cherche pas rapidement, putain, tu comprends ça. La vie ne paye pas, je comprends pas pourquoi finir dans la rue, putain, parce qu'on a des parents depuis le départ. Dieu nous a créé, nous a donné la force, la connaissance d'étudier. Mais pourtant, on se retrouve dans la rue. Sois courageux, débrouille-toi, finalement, tu comprendras que la vie est tous pareil pour tout le monde, comprends ça. Bouge, cherche, frappe, on t'ouvrira. Salama kasi olonga. Nyon sato suwaka, na wana se amokili. Oh, moninga e. Olo bata, malechance. Oza nango. Non, non, non, non, à la paresse. Bouge, cherche, frappe, on t'ouvrira. Ah, yeah, oh. Yeah. Nadango nano kufite, kobungi sa elika na yote. Toyaka na mokilite, bona. Ngana yo ezali tele makende. Oh, fria ya zao ya bunaka deo. Oh, moninga e. Sala makasi olonga. Kitisa ya yo de 100 kilo. Montonyo so asengeli. Asala makasi alonga o. Tumba, la vie, sokaliwa. Je peux réussir dans la vie, vouloir ses pouvoirs. Tu as le droit de vivre, de bien vivre.